Nakisanga epai basombaka chance, na yebanga pe na meka kosomba. Mose kinga olobinga na zuwa kateo, yebana botama na botutu na nzoke. Maria, Maria, mwango, Maria, olobina zali ma chance. Concurrence n'a rien à dire, surtout soit la madame à l'amour.